Revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie. Alors, nous en sommes à l'édition du 1er avril. Bienvenue en avril, joyeux printemps à tous. Cette semaine, en ce 1er avril, nous allons parler d'actualité, beaucoup de nouvelles à passer. On va essayer de toucher un peu au Moyen-Orient aussi. Santé, Haïti, on va parler de, du Moyen-Orient aussi en général, comme je vous disais. On va essayer de toucher un peu l'économie, différentes nouvelles ici du Québec. Donc, un paquet d'affaires. On va voir ce qu'on peut couvrir dans l'heure et demie. Alors, restez à l'écoute de cette émission. Nous en sommes à la quatrième saison, d'ailleurs. Alors, merci d'être toujours à l'écoute de l'autre monde. Alors, on va y aller avec les bonnes nouvelles en premier. On va se donner un peu de pep. Alors, ici au Québec, ça va assez bien. Je dirais même à l'échelle globale. Je dois souligner qu'on remporte de plus en plus de victoires à différents niveaux. Et puis, cela est très, très, très positif. Et puis, on doit bien s'en rendre compte aussi. Ça donne du carburant pour continuer. Vous savez, le truc du réchauffement climatique est en train de s'écrouler bien raide. Écoutez, là, il y a un gros problème de crédibilité à ce niveau-là. Toutes les prédictions, les choses qu'on nous avait dites les années passées par rapport à différents scénarios catastrophiques qui pourraient se produire sont tout en train d'être démontrés comme étant faux, mal calculés ou quoi que ce soit. Donc, je vais avoir une grosse émission à propos juste du réchauffement climatique très bientôt dans les semaines qui sont à venir, peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après. Puis j'ai un gros dossier aussi sur l'état policier, état de surveillance, Big Brother, toute la kit, là. Donc, j'ai deux grosses émissions à venir. Donc, on va essayer de couvrir le plus possible d'actualité pour se débarrasser de ça cette semaine pour préparer le chemin vers des émissions à thème particulier. Donc, oui, ça va bien au niveau du fluorure ici au Québec. Écoutez, on est en train de mettre en déroute les autorités et puis tous ceux qui veulent fluorer l'eau, un truc qui est illégal. Contre la charte des droits humains. Alors, c'est une médication de masse de la population, donc c'est illégal, c'est carrément illégal. Alors, des victoires à ce niveau-là. Le 9-1 qui est en train de percer partout, grosse victoire à ce niveau-là aussi. Rabaska, on a appris dans un article de Cyberpresse que vous allez pouvoir consulter sur les nouvelles internationales, qui va être en lien là-bas. L'article se nomme Rabaska est bel et bien mort. Alors, Rabaska ne va pas être lancé. Gaz Métro, qui était aussi derrière ça, est bien déçu. Apparemment qu'on n'aura pas besoin autant de gaz qu'on le pensait, même que notre consommation de gaz est à la baisse. Alors, ça ne justifie plus ce projet derrière lequel se cachait aussi Power Corp et l'Empire des Marais. Alors, avec aussi des anciennes compagnies avec lesquelles Sarkozy en France a des liens. Okay, donc, des amis, des copains. Alors, tout le monde travaille ensemble et puis c'est un projet qui ne servait finalement qu'aux intérêts privés de ces personnes-là, alors que nous, on prenait un risque incroyable en ayant des réserves de gaz naturel. Alors, un truc qui vient de tomber à l'eau et puis ça, c'est une autre très, très bonne nouvelle. Alors, une autre aussi, c'est le fait que Hydro-Québec, la grande société d'État, de production d'électricité du Québec, qui voulait acquérir des installations d'électricité, dont une aussi nucléaire au Nouveau-Brunswick, qui est tombée à l'eau. Alors, le contrat est tombé à l'eau. Ça ne se fera pas. Donc, il y a eu une grosse levée de boucliers au Nouveau-Brunswick. Et puis, on se posait des questions ici aussi au Québec. Et alors, en bout de ligne, le truc a déraillé. Alors, c'est sûr qu'on a une certaine influence là-dessus. Savoir laquelle, c'est à vous de juger. Sauf que c'est encourageant de voir que plusieurs morceaux de dominos tombent de notre côté en ce moment, et puis c'est très bon. Donc, il faut saisir le momentum et puis continuer à pousser dans les dossiers. Ayez courage, on a vraiment un effet. Alors, un article à aller consulter. D'un autre côté, ici, ça brasse pas mal avec la réforme, une certaine réforme ici qu'on a passée au Québec pour changer le calendrier scolaire, OK? Donc, pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, là, écoutez, on a une certaine controverse ici au Québec qui se passe. Et vous avez des articles à les consulter. J'en ai trois, dont un qui vient d'un site, Les Fils de la Liberté, qui produisent aussi une émission en podcast. Donc, c'est intéressant à aller voir quand même. Là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Plus on est de résistants, mieux c'est. Bon, écoutez, on apprend là que ça fait quelques semaines ici que ça brasse. On a une ministre qui a changé le calendrier pour accommoder finalement les écoles juives, donc à Montréal ici, qui n'ont pas un calendrier pareil, et puis dont finalement contrevenait à la loi. On a les preuves de ça dans les documents que vous allez trouver. Là, vous allez trouver une lettre qui a été déclassifiée, qui a été rendue publique, qui montre réellement là, que les volontés des écoles juives vont façonner cette fameuse réforme là, du calendrier scolaire. Et ça va aller pas mal plus loin qu'on le pense. On va avoir aussi 5 jours fériés qui vont disparaître du calendrier scolaire dès l'an prochain en vertu du controversé décret de la ministre de l'Éducation, Michèle Courchesne, qui a été déposé le 3 février. Et on parle de Noël, Pâques, l'Action de grâce. Et il y aura aussi la fête des Patriotes et puis la fête nationale du Québec. Et en comptant aussi la fête du Canada, qui n'est pas explicite dans le décret du 3 février. C'est une raison aussi pour laquelle ça a fait peu de bruit. On a la presse qui s'est mêlée de ça ici, qui est un journal de Montréal. Ça a pris pas mal de temps avant de réaliser, admet M. Ouellette, qui révèle que le décret mentionne que les articles de 16 à 19 du régime pédagogique sont remplacés par les suivantes, entre parenthèses. Mais on n'y présente que les articles 16 à 18, le fameux article 19 qui énumère les jours de congé pour l'élève, dont les fins de semaine et les fêtes, a simplement disparu. Alors, il ne s'agit pas d'un canular, selon ce qu'on nous rapporte ici. On dit d'où vient cette décision de Mme Courchesne? Est-ce qu'un certain lobby serait pour quelque chose? Alors, à vous de décider, vous avez des liens à aller vérifier, comme je vous dis, une lettre à aller voir. Vous allez voir que la réforme du calendrier scolaire annoncée le mois dernier reflète le contenu des lettres envoyées quelques mois plus tôt par les écoles juives privées au gouvernement Charest. Ces lettres-là ont été obtenues par Radio-Canada et la presse canadienne en vertu de la loi d'accès à l'information. Ces deux lettres datées du 28 juillet et du 29 septembre 2009, qui font état de rencontres ayant réuni les deux parties au cours de l'été, signées par les directions de 7 écoles juives orthodoxes qui offrent des cours illégalement depuis plusieurs années. Elles sont adressées à la ministre de l'Éducation, Michèle Courchesne. Alors, les documents suggèrent que la réforme a été taillée sur mesure pour répondre à leurs revendications. Et puis, les comptes rendus des entretiens font largement état des exigences religieuses des écoles juives reliées au calendrier scolaire. Alors, voilà ici comment qu'on se plie au Québec à n'importe quelle autre culture, ethnie, religion qui arrive ici. Donc, nous, on compte pas. Et puis, on se plie le dos comme ça, hein? Donc, passe-moi dessus, mon grand, hein? Ben oui, amène-le ton camion puis fais des spins dessus, moi. Aucun respect de soi-même. On voit réellement qui est le pouvoir, ceux qui ont de l'argent, des gens qui ont une grosse influence, un gros lobby. Ça fait dur, ça fait dur. La population juive à Montréal compte à peu près 92 000, alors qu'il y a 600 000 habitants. Donc, on dit que la communauté juive ne représente que 17% de la population totale de la ville. Alors, on parle même pas aussi de la proportion par rapport à toute la province. Et puis, on se demande si à un moment donné, il n'y a pas une influence qui est disproportionnée auprès du gouvernement Charest, hein? Un peu comme la mafia puis la FTQ, hein? Un peu comme les gens de Power Corporation, comme Henri-Paul Rousseau qui travaillait à la Caisse de dépôt, qui a perdu au-dessus de 40 milliards de dollars. Il y a des intérêts puissants, donc on n'enquête pas là-dessus, hein? Donc on se plie les chines. Et puis, toi, mon grand Québécois, ma grande Québécoise, ferme ta gueule, puis continue à marcher, baisse les yeux, et puis soumets-toi. OK? Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis là, on va enlever quoi? On va enlever la fête des patriotes. Hein? Donc, ton histoire, ben, on va l'effacer parce que ça nous gêne, ton histoire. OK? Donc, on vient habiter chez vous, mais ton histoire nous gêne, ta culture nous gêne, puis la fête des patriotes, mets-toi ça dans le derrière. On efface ça. OK? Comme les sapins de Noël, les affaires comme ça, on ne peut plus souhaiter joyeux Noël maintenant, c'est joyeux décembre. Hein? Donc, vous voyez à un moment donné le ridicule. On essaie de créer des tensions incroyables dans la société. Donc, évidemment qu'après ça, on pose pas de questions à savoir où est l'argent, où est passé, comment ça se fait qu'on a un gouvernement qui ne nous représente plus. Et puis là, on crée en plus des diversions comme ça qui sont absolument hallucinantes, qui sont vraies, mais qui sont des diversions aussi. Mais je veux dire, c'est tellement hallucinant qu'on est rendu que là, on va enlever la fête nationale ici du Québec parce que ça gêne certaines communautés. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Allez, allez, allez voir les articles, des articles aussi de Radio-Canada. Donc, on parle de ça. C'est eux autres qui ont réussi à obtenir les lettres en vertu de la loi d'accès à l'information. OK? Donc, c'est des choses maintenant qui sont documentées. On voit qui a poussé sur le gouvernement. Et puis, on voit que nos ministres, comme Mme Courchesne, qui sont des vers de terre, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune colonne, ne sont pas capables de se tenir debout. Eh bien, ils nous passent des sapins comme ça, après ça, nous disant que c'est une adaptation normale au calendrier scolaire. Puis après ça, on apprend que finalement, ben, c'est en réponse à des pressions d'un certain lobby. Alors, petit Québécois, si des lobbies de 17% d'une certaine communauté à Montréal peuvent faire changer des lois, puis changer le calendrier scolaire au complet, et enlever des fêtes nationales comme la fête des Patriotes et puis la fête nationale du Québec, eh bien, il serait peut-être temps que tu penses à te mettre ensemble, chers Québécois, te mettre ensemble d'une seule voix puis commencer à constituer le lobby québécois pour faire en sorte que les politiques puis la direction du Québec soient selon la volonté de vous, de votre province, de votre terre, de votre histoire ancestrale, de votre culture, de votre langue. OK? Ça n'a rien à voir avec l'ultranationalisme ou l'extrémisme ou quoi que ce soit. Ça a rapport avec une question de respect de soi-même. De respect de soi-même, de sa culture, hein, de ses racines, de ses ancêtres. C'est un respect de soi-même, individuel. Il semble qu'une grande partie de la masse d'or au gaz est rendu complètement molle, sans volonté, complètement indifférente, endormie, écrasée par son esclavage économique qui lui pèse sur le dos. Il est temps que le Québécois se libère de ses chaînes et puis commence à comprendre ce qui se passe au Québec. Donc, une réforme annoncée en catimini, on nous passe des sapins, et puis après ça, ben on arrive, on apprend tout d'un coup, oups, regardez donc ça, toi, exit Noël, Pâques et puis la Saint-Jean. Fini ça. On célèbre plus ça. Donc, il y a des articles à aller voir, là, ça vient de la cyberpresse, donc rien de encore là de ténébreux qui vient d'un blog, là, distant dans un coin de la blogosphère québécoise. All right? Oh, gros. Donc, des bonnes nouvelles, il y en a des moins bonnes. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui sont pas fiers. Il y a des gens qui sont pas fiers. Je veux dire, on regarde les autres lobbies, les autres communautés qui se mettent ensemble, qui mettent des pressions. Après ça, on les pointe du doigt. Ben non, le problème, c'est pas eux autres. Le problème, c'est pas les Juifs. Le problème, c'est pas les banquiers privés. Le problème, c'est pas Bush, c'est pas Harper, c'est pas Charest, c'est pas Paul Desmarais. Le problème, c'est pas les églises, c'est pas. Non, le problème, il est chez les individus. L'individu, il se laisse faire. On a un joyau en ce moment qui s'appelle la liberté, qu'on s'appelle une société libre, qui est en train de partir en feu parce que les gens ne réalisent pas ce qu'ils ont entre les mains. C'est un joyau qui arrive peut-être dans 5% des cas de toute l'histoire de l'humanité. Le reste, on est pogné des dictatures, des tyrans, des régimes totalitaires. Et puis en plus, ben, vous avez la population qui appuie ça. Yeah, yeah, yeah, mon leader, yeah, yeah, alright. Alright, alright, alright, ça va faire là, ça va faire. On va se calmer, on va passer à l'actualité. Il y a plein de nouvelles aussi à couvrir de ce niveau-là. On a ici CNN, la chute libre de son auditoire. Alors, ça, c'est rapporté par le New York Times. Et oui, ça, c'est une tendance très lourde dans tous les grands médias, les médias autant de papier que le média à la télévision. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'on est en train de se faire mentir, c'est pas bien compliqué. On a vu les médias nous vendre des guerres au Moyen-Orient, basées sur des mensonges. On avait supposément des armes de destruction massive, et puis blablabla. Et puis on continue encore aujourd'hui avec l'Iran, donc les grands médias qui continuent aussi dans leur poussée de mensonges. Alors on voit bien que les médias de masse sont des acquisitions, sont des propriétés, anyway, de grosses corporations privées qui ont des investissements autant dans le complexe militaro-industriel qu'au niveau politique et toutes sortes de places. Alors écoutez, là, c'est bien certain là, qu'on a de la misère à savoir ce qui se passe. C'est d'ailleurs pourquoi vous êtes à l'écoute de l'autre monde et je vous en remercie. Alors CNN qui continue de tomber en chute libre, alors même les plus gros comme eux autres. Donc quand je vous dis que vous avez un effet, c'est pas des farces, là. C'est juste qu'il s'agit de se mettre debout. Hein. Il s'agit de se mettre debout et puis de se respecter, comme je dis. Alors, ici, on a eu un sommet de l'Arctique, OK? Donc, un sommet de l'Arctique qui a été tenu par le Canada. Et puis, on a eu des ministres des Affaires étrangères du Canada, du Danemark, de la Russie, des États-Unis, puis de la Norvège qui se sont organisés pour discuter de l'exploitation future des ressources de la région de l'Arctique qui contient un quart de toutes les réserves de pétrole et de gaz naturel. Et une quantité inestimable de minéraux. Là, on est en train de discuter de comment on va séparer la tarte là-bas. Et puis, là, il y a eu un autre petit conflit. Là, apparemment que Hillary Clinton, elle a claqué la porte et puis est partie en beau fusil parce que, supposément, qu'on n'avait pas invité certains autres pays. Alors que la réalité est qu'on apprend dans d'autres articles qui vont être en ligne aussi, que le Canada en a profité pour dire à Mme Clinton qu'on était pour se retirer de l'Afghanistan, alors qu'on était pour retirer nos troupes de l'Afghanistan en 2011. Alors apparemment que Mme Clinton n'était pas contente et ben, elle a quitté comme ça en nous faisant la gueule, pauvre Mme Clinton. Sauf que là encore là, ça c'est assez spécial parce qu'on a ici une nouvelle de AP, Associated Press, qui raconte dans son article que le premier ministre canadien Stephen Harper a dit à la secrétaire d'État Hillary Clinton que la mission militaire canadienne était pour se terminer en 2011. Donc là, Madame Clinton est allée sur la télévision canadienne et puis a déclaré qu'elle souhaiterait que nos troupes restent plus longtemps que 2011 et puis qu'elle a suggéré qu'on pourrait changer le rôle et faire en sorte que ces troupes servent à l'entraînement des troupes afghanes et puis d'être impliquées dans des missions civiles. Donc de construction et puis d'aide du genre. Alors ça c'est assez particulier dans le contexte qu'on a une autre ici une nouvelle de aussi AFP qui dit que là les États-Unis sont en train de mettre de la pression sur le Canada pour qu'on reste plus longtemps qu'en 2011 et que le gouvernement est en train de planifier jusqu'à à peu près 600 troupes pour demeurer en Afghanistan, passer le mandat qui se termine en 2011. Alors ça a été rapporté par The Globe and Mail. Qu'est-ce qui se passe? Là, on se demande parce que d'un côté, on nous dit qu'on va quitter, d'un autre côté, on nous dit qu'on va rester, mais pour changer de mission. Alors, finalement, on est en train de se donner un beau couvert pour faire en sorte qu'on puisse garder des troupes canadiennes sur le terrain. Et puis après ça, peu importe ce qu'on vous dira qu'on va faire, on va être là pareil. Donc, on continue de participer à cette occupation militaire qui est maintenant plus grande que celle de la guerre du Vietnam. Donc, bravo le Canada. Vraiment, bravo, bravo, bravo, bravo. Alors, le Vatican, ben, écoutez, là, j'ai quelques nouvelles, là. J'ai pas réuni tout ce que j'ai trouvé cette semaine. C'est incroyable. Ça sort. C'est en train de s'écrouler ben raide, là, cette affaire-là. L'histoire du Vatican de 2000 ans est en train de tomber à l'eau, là. C'est pas mal la fin, là. Je veux dire, grosse crise de crédibilité à l'os. Et puis, on a eu certaines excuses du Vatican, mais là, on a plein de nouvelles qui montrent qu'on va essayer de faire en sorte qu'on va protéger le pape pour pas qu'il perde son poste. Et puis, il y a plein d'allégations qui sortent assez sérieuses. Je pourrais même dire documenté là, que le pape a lui-même opéré des cover-up d'abus sexuels alors qu'il n'était pas pape encore, le temps qu'il était en Allemagne. Des affaires assez troublantes de pédophilie au sein de l'Église catholique et puis ça sort un peu partout. En Autriche, ici, on a 566 rapports d'abus dans une année. C'est assez trippant. Écoutez, le Vatican ici qui défend sa position très fortement d'être accusé puis d'être impliqué. Dans une affaire, là, c'est un prêtre américain là, qui aurait molesté plus de 200 petits garçons sourds dans le Wisconsin. Alors, une histoire, une autre, absolument incroyable, là, je veux dire, c'est débile. L'Allemagne qui abandonne l'Église catholique, ça, c'est une autre histoire. Écoutez, là, c'est important d'aller voir. On dit que moins de 1 sur 6 Allemands a encore une confiance quelconque en l'Église. Oui, c'est pas rose là, ce qui se passe là. Je veux dire, c'est un gros scandale, très très laid. Je veux dire, c'est très laid là. Je veux dire, je sais pas trop quoi dire là. Je veux dire, c'est là les nouvelles sortent un peu partout là parce que ça commence à donner le courage à d'autres personnes qui ont été abusées de venir sur la scène. Écoutez, parce que même là, écoutez, on veut mettre en place une nouvelle loi au sein de l'Église qui va faire en sorte que s'il va être requis, il va être requis d'un prêtre qui est témoin ou qui apprend qu'un autre s'adonne à la pédophilie ou à des abus sexuels comme ça, de la rapporter à la police. Alors, on veut passer une nouvelle loi pour faire en sorte que ça soit obligatoire. Et vous avez des gens qui sont reliés même au Vatican et puis très aux échelons de l'Église catholique qui refusent ça. Alors on ne veut pas passer de loi qui va obliger les prêtres à dénoncer des cas d'abus sexuels. Donc vous voyez là qu'il y a un cover-up total en plus. Là, comme on dit, ce qui fait le plus mal, c'est pas tant l'acte en soi, c'est le cover-up qui suit. Quand on essaye de couvrir les faits, puis qu'on essaye de faire en sorte que la vérité sort pas, c'est ça qui fait encore plus mal dans tous les cas de crime. Donc, ça, c'est à garder à l'esprit une genre de petite sagesse ancestrale. OK. Ensuite, aux États-Unis, vous avez entendu parler de. Ben, en tout cas, j'espère que vous avez entendu parler. Là, il y a eu une descente sur apparemment une milice. Alors, on a apparemment mis à découvert une milice là, qui s'apprêtait à commettre des actes de terrorisme aux États-Unis. une autre affaire à bric-à-brac incroyable. Là, vous avez des nouvelles qui sortent. Là, vous avez ici là, une vidéo, allez voir, de MSNBC qui admet que le groupe de milices qu'on a attaqué carrément là, avec le FBI, là, tout le gros kit, après la même affaire qui s'était passée à Waco, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, 10-15 ans, là, on est arrivé là avec le FBI, les tanks puis tout. Après ça, on avait dit que c'était une gang de malades mentales à l'intérieur, là. Et après ça, avec toutes les évidences qui sont révélées par la suite, on a découvert que c'est le FBI qui a trop ouvert le feu en premier avec les forces. C'est quoi le nom, eux autres? Entre des forces là, semi-militarisées là, du gouvernement américain sont arrivées là-bas. Je pense le BASF, je me rappelle bien. Anyway, ils sont arrivés là, puis écoutez, chers auditeurs, on a ouvert le feu directement sur l'église à Waco, là, et puis on a incendié le truc au complet, puis vous avez des photos des corps d'enfants qu'on a sortis de là. Je veux dire, on a brûlé vifs des enfants là-dedans, des femmes, des hommes, des gens qui étaient innocents, là. Je veux dire, une grosse histoire. On était rentré avec le tank là-dedans, tout le kit, là. Donc, une histoire très, je dirais, une partie de l'histoire américaine très, très sombre. Et on est en train d'assister à un remake de ça. Donc là, on a fait à croire qu'on avait une milice ici là, qui est en train de se radicaliser puis de vouloir se préparer à commettre des actes de terrorisme sur le territoire des États-Unis. Et puis, c'est un coup monté encore. C'est un coup monté parce qu'on apprend de MSNBC dans son reportage que la cellule militante est infiltrée par le FBI. Alors, écoutez, là, on a autopiloté ce groupe-là à faire ce que le FBI voulait. Et puis, zap, après ça, on monte ça dans les médias en épingle. Et puis, on donne plus de légitimité au gouvernement d'imposer ces mesures policières, donc d'état policier sur le territoire. Et puis, de démoniser aussi la dissension politique, ok? Donc, c'est ça qui arrive là, c'est qu'aux États-Unis, on est en train de criminaliser et puis de démoniser toute résistance politique, toute critique politique du gouvernement. On est en train d'associer même le mouvement pour la vérité, ce 911, avec des terroristes. C'est une tendance très lourde en ce moment aux États-Unis. Puis ça, c'est un autre coup monté. De A à Z. Alors, c'est un gros remake de Elohim City, de Waco. Vous savez que vous avez les Feds qui ont infiltré le groupe et puis les ont. C'est une trappe, finalement. C'est une trappe pour créer une publicité puis démoniser toute résistance contre le gouvernement. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez même un article ici du Wall Street Journal qui rapporte la même affaire que la cellule milicienne avait été infiltrée par des gens. Des agents du FBI en sous-marin, en undercover, en mission dans cette cellule-là. Donc, c'est capoté, c'est capoté, capoté. Puis, vous savez savoir ce qui se passe pour bien comprendre les événements. On va se tourner maintenant plus sur la scène mondiale. Vous avez quatre avions de l'OTAN qui ont raccompagné deux bombardiers russes au-dessus de l'Arctique. Ça fait à peu près 2 semaines, et puis c'est une répétition de ce qui s'était passé aussi le 29 septembre 2009, quand on avait eu des Raptor F-22 qui avaient aussi rapporté, qui avaient raccompagné des jets militaires russes. Alors, vous voyez là qu'on se teste un peu dans ces lignes frontières et puis on joue avec le feu. Hein? Donc, on est en train de peut-être tester peut-être une confrontation future militaire. Alors, c'est pas des choses qui sont des bons signes, en tout cas, ça c'est certain. Vous avez d'autres articles ici qui posent la question de savoir pourquoi il y a toute cette manipulation médiatique dirigée contre Hugo Chavez. Et puis j'ai répondu à ça dans un article la semaine, pas la semaine passée, ça fait 2 semaines sur les sites du Québec que je vous invite à les trouver, qui s'appelle L'Amérique du Sud, prochaine cible de l'Empire. Alors, dans cet article, vous allez comprendre là, qu'il y a un conflit militaire qui est en train de se préparer tranquillement contre l'Amérique du Sud et particulièrement contre le Venezuela. Et ça, c'est quasiment une certitude. Et puis, vous allez trouver aussi la méthode qui a fait ses preuves, hein, pour vendre l'agression contre l'Irak et puis l'Afghanistan, qui est utilisée pour diaboliser aussi Hugo Chavez et le Venezuela. Alors, on se retrouve avec de plus en plus d'effectifs militaires autour du Venezuela et beaucoup d'investissements dans les groupes d'opposition de Hugo Chavez. On a même un bateau qui surveille de façon permanente, une surveillance électronique. de toutes les communications du Venezuela. Alors, c'est des choses là qui sont vraiment en train de se passer. C'est un scénario identique dans le cas de l'Iran. Donc, on est en train là de, vous voyez là, de préparer un paquet d'autres fonds militaires. Alors, l'hégémonie américaine, anglo-saxonne, qui continue de se déployer dans le monde, mine de rien. Alors, allez voir cet article-là pour vraiment tout comprendre de ce qui en retourne. Et vous allez aussi avoir plus de nouvelles par rapport à Haïti, qui est la nouvelle base des opérations américaines et canadiennes. Alors, vous allez retrouver quelques articles aussi dans une section Haïti et sous le beau vernis d'aide humanitaire. Une toute autre situation se développe en Haïti. Et c'est une situation qui reflète la longue histoire de cette nation surexploitée. On a Fox News qui a révélé qu'il y a un autre lucratif contrat sans appel d'offres qui a été octroyé à un lobbyiste et un ami de haut profil politiquement connecté à l'ancien président Bill Clinton. Alors, ces gens-là, ils vont là pour supposément aider. Après ça, ben, hein, ils prennent le business en main. Vous avez la USAID qui est un cheval de Troie, tout comme la NED, The National Endowment Democracy, qui s'en vont là supposément pour aider à amener de l'aide humanitaire, mais qui en fait permet différentes opérations américaines sur le terrain, sous le couvert d'aide humanitaire. On a appris qu'il est prévisible que les troupes américaines demeurent en Haïti pour un temps considérable. Selon les sources, du 20 000 soldats américains présents suite aux horribles tremblements de terre du 12 janvier, il en reste que 6 500, entre 6 500 et 10 000 en ce moment. Okay? Donc, ce qui est planifié pour le moment, c'est un plus grand déploiement de la USAID et de moins en moins de troupes. Alors, il semble que toutes les prétentions et le fait qu'Haïti est un pays indépendant ont été évacuées par le gouvernement américain. Ça, c'est des choses très importantes. Vous avez même aussi les États-Unis qui se demandent ouvertement quel rôle devraient jouer, allant jusqu'à considérer une annexion d'Haïti comme dans le style de Porto Rico. On propose de construire et de reconstruire le pays et sa structure gouvernementale à partir de zéro. Obama a été indiqué au cours d'une conférence de presse il y a quelques semaines, confirmée par le président haïtien, que la présence militaire américaine en Haïti continuera indéfiniment. On peut alors considérer que le pays est de facto sous contrôle des États-Unis, en plus de lui conférer une position géostratégique dans la région tout près des plus grands ennemis, donc Cuba et le Venezuela, ennemis perçus des États-Unis. Cela a beaucoup à voir avec des arrangements complaisants pour mettre la main sur les ressources naturelles d'Haïti, pour préserver les conditions de travail des ateliers de misère dans les usines d'Haïti. Hein? Et les réelles conditions de vie épouvantables que la plupart du peuple haïtien endure ne s'amélioreront jamais. C'est ainsi conçu. Donc, l'Amérique du Sud est la nouvelle cible de l'Empire. Et puis, pas à pas, si on n'y prend pas garde et puis qu'on ne monte pas une féroce opposition à une nouvelle conflagration et opération de déstabilisation de tout le continent sud-américain, il y a fort à parier que nous allons assister à un autre front de la guerre pour assurer l'hégémonie américaine. Il rend temps d'instaurer une ère de paix véritable et d'emprisonner les gens que j'appelle les interventionnistes. Alors, ouais, ça brasse pas mal. Alors, vous allez retrouver tous les articles ici, AFP, qui parlent des troupes américaines qui vont rester en Haïti. OK? Vous avez l'article ici de CNBC qui parle de l'annexion d'Haïti. Ensuite, vous avez l'article de Uruknet qui parle du président haïtien qui était à la Maison-Blanche, qui avait lui aussi annoncé que l'occupation militaire américaine était pour continuer. Alors, vous voyez là que les bons deals continuent. Vous avez un superbe article de Michel Chosefsky qui parle que Haïti est aussi le terrain d'entraînement pour les troupes américaines qui sont pour être déployées en Afghanistan. Et puis, on apprend aussi que c'est la même affaire pour l'armée canadienne. Alors, c'est très honteux, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous avez l'armée canadienne qui a adopté un pattern similaire à l'armée américaine et qui se sert de ce pays-là pour redéployer les troupes de combat vers le Moyen-Orient. Alors, les troupes canadiennes qui étaient initialement dépêchées en Haïti pour aider de façon humanitaire l'île et puis les gens sont ensuite envoyées en Afghanistan, rapporte M. Michel Chosdovski. Vous savez, les soldats du 22e Régiment Royal qui ont été en Haïti seulement pour 2 semaines, et après ça, zoup! On les a mis dans un camp d'entraînement intensif, et puis après ça, on les envoie en Afghanistan. Hey, ça a été révélé aussi par le National Post le 23 février 2010. Donc, c'est fantastique, c'est fantastique. Pendant ce temps-là, ben, les chiffres de mortalité en Haïti, ben, ils augmentent. On est rendu à 300 000 morts, selon le président haïtien, M. Préval. On a une vidéo absolument terrible ici à voir, c'est incroyable. Monsieur George W. Bush qui est en visite en Haïti et qui serre la main d'Haïtiens là-bas, puis après ça, il s'essuie la main sur la manche de Bill Clinton. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est, ces gens-là sont tellement snobs, tellement hautains. C'est débile. Et puis là, tu vois Bush s'essuyer la main sur la manche de Bill Clinton. Allez voir la vidéo, je veux dire, complètement capoté, complètement capoté. Donc, on va continuer avec les nouvelles internationales. On a ici la Somalie qui est le spectacle encore sur la scène de la guerre contre le terrorisme. Et il y a les États-Unis là, qui sont en train de déployer une large offensive sur le front de la Somalie. On finance différents groupes de résistance là-bas, de l'Ouganda, et puis du Congo, du Soudan. Et puis après ça, on se déploie dans un paquet de pays. On parle même de l'Érythrée, le Zimbabwe et le Soudan, qui sont tous des pays du continent africain, qui sont tous d'une façon impliqués dans un partenariat militaire avec Washington puis l'OTAN. Donc, on est en train là-bas de créer un autre front. Écoutez, ça fait une couple d'années en réalité là, qu'on est là-bas. Et puis, vous avez la capitale somalienne là, de Mogadiscio qui est à feu et à sang. Je veux dire, on a des affrontements militaires qui sont en train de se passer là-bas. Les États-Unis sont en train de mettre encore un autre pays à feu et à sang. Et puis, on sait que la Somalie est assise sur des ressources naturelles et puis pétrolières assez importantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Somalie, je veux dire? C'est toute une question de ressources naturelles. On est en train aussi de tout prendre position autour du canal d'Ormuz là-bas. Et puis, on est en train de finalement mettre la main et puis d'assurer le contrôle sur ce corridor important de transit du pétrole. Donc, on est en train réellement là, de tout contrôler, les routes, autant de livraison que d'exploitation de pétrole. Donc, c'est important à avoir à la tête. C'est pour ça aussi qu'on déploie des troupes au Yémen. Alors, on crée des fausses attaques et puis là, tout d'un coup, c'est une justification pour déplacer les troupes américaines dans ce coin-là. Donc, plus de fronts militaires en Afrique du Nord. Et il y a au Japon aussi où c'est que ça brasse pas mal parce que vous avez une grande partie de la population qui est contre l'occupation militaire américaine qui est encore présente depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez des bases militaires très importantes sur les îles comme Guam et Okinawa. Donc là, les Japonais et puis le gouvernement japonais font des pressions pour que ces bases-là bougent de là. Et les États-Unis, évidemment, ne veulent pas. Vous avez les États-Unis qui ont déclaré qu'ils ont besoin de maintenir les bases sur l'île d'Okinawa pour défendre la région, pour défendre la région. Je ne sais pas contre qui, mais ça, vous voyez, là, la mentalité hégémonique américaine à l'œuvre. On dit qu'on a besoin d'avoir ces bases-là pour, selon des traités et puis des obligations pour défendre le Japon. Alors, c'est les raisons qu'on donne. Ici, on dit aussi qu'on a besoin d'avoir un pied militaire dans la région pour répondre à des crises humanitaires ou lors de désastres naturels. Et puis qu'on ne pourrait pas rencontrer ces engagements pour la paix et puis la stabilité régionale si on n'avait pas un pied déployé de forces militaires au Japon. Alors, apparemment qu'on a des raisons d'être là. Et puis, c'est bien important d'avoir des Américains. Hein, donc, c'est bien, bien important d'avoir des bases américaines au Japon sur les accords Futenma. Donc, les Américains qui ont besoin de rester au Japon pour protéger le Japon. Par contre, on dirait qu'on a une genre de mémoire qui oublie rapidement. Quand on regarde l'histoire, on se demande bien qui est le dernier pays à avoir réellement attaqué le Japon. Alors, on pose des questions. Hein? Ben, donc, oh, ah, les États-Unis, regardez, on sort. Ah, ben, donc, les États-Unis ont été le dernier pays à détruire le Japon, mais c'est eux qui devraient les protéger maintenant. Ah, ça fait du sens. Ah, OK, ça fait du sens. On continue. L'Argentine, qui continue à se battre pour essayer de récupérer les îles Falkland, ont banni une firme de continuer ses opérations dans les îles Falklands. Alors, on a aussi la Royal Navy qui ont envoyé un sous-marin d'attaque dans les eaux autour des îles Falkland. Alors, ça fait les tensions qui continuent dans cette région-là. On a un article ici qui parle de la conquête de l'Afrique par les États-Unis puis l'OTAN. Alors, l'OTAN qui sert aussi d'un bras armé maintenant, d'une police mondiale armée. pour faire appliquer l'agenda et puis les vues de l'Occident partout à travers le monde. Alors, vous avez l'OTAN maintenant qui est impliquée dans des guerres en Afrique. Je veux dire, on est bien loin du rôle original de l'OTAN, qui était censé être un rôle défensif seulement. Et puis là, on arrive avec ces troupes-là dans les pays comme je vous disais, en Somalie, en Ouganda. On déploie des troupes là-bas. Écoutez, on va avoir même aussi des déplacements de troupes ougandaises qui sont déplacées par les forces de l'OTAN pour aller se battre dans la capitale somalienne. Alors, c'est des affaires assez incroyables qui se passent. On a aussi des avions de transport qui ont été fournis par le Pentagone sous la bannière de l'OTAN. Et puis les opérations ont été menées par un contracteur privé, Dyncorp International, alors la compagnie de mercenaires privés. Alors vous avez des guerres de l'OTAN semi-privées, financées et puis déployées par le Pentagone sous la bannière de l'OTAN. Pensez à ça 2 secondes. OK? Ça commence à faire assez spécial comme situation. Alors, pas besoin de vous rappeler que cela n'a rien à voir avec la liberté, la démocratie ou ben non, les droits humains. Ou encore moins aider les Somaliens en position complètement désespérée dans ce pays-là. Cela a tout à voir avec les ressources encore non exploitées de la Somalie et puis de savoir quel pays va avoir accès à ces ressources. OK, donc dans le département des affaires complètement débile, on a aussi eu la fameuse, je ne sais pas si vous la connaissez, Ann Coulter, qui est une extrême droite, une membre de l'extrême droite aux États-Unis, néocon au tapis, une capotée, là, une capotée, OK? Déjà traité des gens de toutes sortes de noms, déjà traité ici une musulmane au Canada d'aller prendre son chameau et puis écoutez. Une madame assez spéciale, assez décapante, OK? Vous savez, ces gens-là supportent les guerres, supportent les occupations militaires au Moyen-Orient. Et puis, on les invite ici au Canada, on les invite à faire des tournées un peu comme George Bush qui est venu faire son tour dans l'Ouest canadien pour prononcer des conférences à leurs criminels de guerre. Alors que l'année passée, on avait refusé l'accès au Canada à M. George Galloway, qui est un ancien ministre de la Grande-Bretagne qui, lui, avait été accusé supposément d'avoir financé le Hamas. Alors, une affaire complètement délirante. Rien à voir avec ça. Donc, quand vous êtes pour la paix, on vous refuse l'accès ici au Canada. Mais quand vous êtes des pro-guerres, surtout des guerres d'occupation militaire illégale, que vous êtes des criminels de guerre, on vous invite avec un gros bienvenue très chaleureux. Mais ça n'a pas passé partout comme ça. Par contre, à l'Université d'Ottawa, vous avez eu beaucoup d'étudiants qui ont mis en déroute la conférence de Mme Coulter. Alors, on l'a viré de bord carrément. Et puis, Mme Coulter était bien, bien, bien insultée de ça. Puis, on en a profité justement pour utiliser les médias canadiens pour comparer les étudiants de l'Université d'Ottawa comme des complices idiots. Alors, elle a dit que ces gens-là avaient autant de points d'intelligence, de QI qu'ils avaient de dents dans la bouche. Alors, voilà un peu là, le genre de type là, de madame là, à qui on a affaire, Madame Coulter, qui avait aussi répondu à une étudiante musulmane, comme j'avais dit, d'aller se promener de son chameau. Vraiment incroyable. Donc, une grosse hypocrisie encore là du gouvernement canadien. On laisse rentrer des gens comme ça ici au pays. Et on trouve que c'est favorable, que c'est bon. Alors, ça n'a rien à voir ici avec la liberté d'expression. Quand on a une dame qui incite à la haine, OK? Quand on parle ici là, de discours haineux, on a tout à fait on parle exactement de ça, OK? Donc, madame qui n'a pas hésité à dire même que les Canadiens devraient se sentir privilégiés et puis très contents que les États-Unis n'aient jamais encore roulé sur le Canada et puis envahi le pays. Alors, voyez un peu la mentalité d'une folle comme ça. Et puis, bravo aux étudiants de l'Université d'Ottawa qui ont annulé, qui ont réussi à leur faire virer de bord et puis lui montrer que, je veux dire, des sans-dessins à un moment donné, là, qu'ils restent chez eux, OK? On a appris ici, dans une autre nouvelle, que c'est la CIA qui avait commandé les visas pour 15 des 19 détourneurs d'avions lors du 9-1. Alors, ça a été révélé par Michael Springman sur le show de Alex Jones. Allez voir les références de cette personne-là, Michael Springman. Ce n'est pas un sans-dessin. Vous allez voir que ça vient de sources très importantes. Vous allez trouver aussi un lien pour savoir qui est Michael Springman. Allez voir cette nouvelle-là. Vous allez encore comprendre une fois de plus que Oui, le 911 est organisé par les services secrets, autant de la CIA que le Mossad. Okay, c'est un truc qui est organisé totalement. Les visas qui ont été commandés par la CIA. Okay? Donc, bingo, ça vient de sortir. Vous avez un autre article ici, incroyable, quand on parle de l'abrutissement de la population à travers l'éducation, la télévision, la culture en général, les films, les gens deviennent des ignorants et puis fiers de l'être, OK? Donc, quand je parlais un peu de fierté, d'être fier de soi en début d'émission, de respect de soi-même, écoutez, les dangers sont réels, là, les dangers sont réels. Vous avez une vidéo de YouTube à les trouver, dans lesquelles on voit des écoliers américains, OK, de l'école élémentaire, qui ne savent pas la différence entre une tomate et puis une patate. OK, donc ça a passé à une émission de télévision américaine et les enfants sont complètement ignorants, pas juste à savoir la différence entre une patate et une tomate, mais à savoir la différence entre un tas de différents légumes. OK, on leur présente des brocolis, du chou-fleur, ils ne savent pas c'est quoi. Une aubergine, aucune idée, c'est quoi ça? Oh, les carottes, hein, c'est quoi ça? Ils savent pas c'est quoi. Okay? Des enfants complètement déconnectés de la réalité. Ils mangent de la nourriture, ils savent même pas d'où ça vient. Donc, ça, là, ça, c'est un symptôme de quoi? Okay? C'est un symptôme qu'on a un grave problème d'abrutissement de la population. Et puis après ça, demandez-vous comment que les élites rient dans leur poche quand vous avez des gens complètement stupides, abrutis, complètement idiots. Hein? Donc là, c'est pas mal plus facile après ça de partir des guerres, leur mentir, voler de l'argent, des plans de sauvetage, le 9-1, n'importe quoi, je veux dire. Après ça, c'est bien facile à manipuler, hein? Maintenir une population en ignorance, après ça, vous pouvez les contrôler tellement facilement. Parlant de 9-1, vous avez ici une rencontre à aller voir, très importante. Vous allez avoir David Ray Griffin et puis Richard Gage, qui est le responsable du groupe Architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 911, qui compte autour de 1200 architectes et ingénieurs jusqu'à maintenant, qui vont se donner en conférence à Montréal. Ça va se passer à Toronto le 2 mai. Et puis après ça, une autre présentation à l'Université de Montréal, donc à l'UQAM. Okay? Alors, ça va se passer à la salle Marie-Guérin-Lajoie. Il y a 730 sièges. Alors, allez-y, pas mal d'espace. Ça se trouve au 405 Sainte-Catherine-Est, dans le centre-ville de Montréal. C'est métro Berry-UQAM. Vous allez trouver sur les nouvelles internationales tous les liens pour avoir aussi les dates. Alors, tout ça va être le 3 mai à Montréal. Ça va être à 6h30 de la soirée. Vous avez l'adresse pour trouver les billets. L'admission générale est de 10 $, 5 $ pour les étudiants. N'attendez pas pour aller chercher vos tickets et puis aller voir ça. Très importante conférence. Vous allez voir que Monsieur Richard Gage, c'est un personnage très important, un architecte, le fondateur du groupe pour les architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 911, qui va vous expliquer de façon très rationnelle comment ces bâtiments-là n'ont pas pu s'écrouler à cause de des avions, ben non, des feux. Okay? Donc ça, c'est très, très important. Organisé par le groupe PC à Montréal là, pour la vérité sur le 911. Donc, on a un chapitre aussi à Montréal. Là, donc, ces gens-là vont organiser ça. Allez voir ça, la vérité pour le 911 à Montréal. Et puis, on va y aller de quelques petites dernières nouvelles et puis on va partir en pause musicale. Vous êtes sûrement dû. On a ici une nouvelle qui parle du monde entier qui a fermé les lumières cette semaine à 8h30 pour sauver l'électricité puis la planète, hein, donc en signe de support pour combattre les réchauffements climatiques. Alors, chers amis, incroyable, un délire total qui continue. Ne manquez pas les prochaines émissions de L'Autre Monde. Je vais vous faire un topo total, au complet, exhaustif, sur ce qui se passe en ce moment avec tout ce mouvement, ce culte du réchauffement climatique qui est en train de s'effondrer. Alors, on essaie de toutes les façons de maintenir la lumière allumée. Et puis, on est en train de fermer la lumière dans l'esprit des gens. Alors qu'on a, écoutez, là, on a tellement de nouvelles qui sortent, tellement de révélations qui montrent que toutes les prédictions catastrophiques qu'on avait prévues étaient non fondées. De la fausse science, de la fraude scientifique on s'est fait gaver encore. Et puis, ben écoutez, là, si vous pensez, anyway, que vous allez sauver la planète en fermant les lumières pendant une heure, là, arrêtez de niaiser, là, arrêtez de niaiser, OK? Faites-vous une bonne conscience à vous, là, puis faites de quoi là, pour réellement aider la planète, là, puis arrêtez de niaiser avec les lumières, là, OK? Vous avez combien de pays qui sont dans les pays nordiques, là, et puis là, vous allez arrêter de chauffer là, quoi, pendant 1 heure, là, puis après ça, vous allez utiliser un poêle à bois qui pollue encore plus, ou ben non, vous utilisez l'électricité, l'uranium à longueur de journée, produit par des centrales nucléaires. Hey, arrêtez là, arrêtez, arrêtez. Donc, grosse affaire de débile, et puis écoutez là, ça n'a pas vraiment marché, là, vous allez voir des nouvelles là, et puis il y a différents articles, allez voir comment les gens réagissent à ça, là, vous avez des taux là, en chute libre de gens qui supportent encore la thèse du réchauffement climatique causé par l'homme. Les gens commencent à se réveiller de plus en plus, vous avez à peu près plus de la moitié de la population maintenant qui ne croit plus à toute cette affaire-là. On est conscient que c'est toute une affaire de taxation qui crée une nouvelle bulle de produits dérivés. C'est toutes des gens comme Al Gore, les grandes banques comme Goldman Sachs et puis les Maurice Strong de ce monde qui se prépositionnent pour profiter des taxes sur le réchauffement climatique, alors que le réchauffement climatique, ben, il n'y en a pas depuis plusieurs années. Ça a été même admis par Phil Jones, l'ancien responsable, devrais-je dire, département de East Anglia, où c'est que on avait les données qui servaient au GIEC, là, donc qui sortaient, qui sont aussi à l'origine de ce qu'on appelle le Climate Gate sur Internet, là, qui est la grosse révélation des manipulations des données, et puis on a carrément menti, changé les chiffres pour faire à croire qu'il y avait un réchauffement climatique, alors qu'il n'y en a pas depuis plusieurs années, ce que même Phil Jones a admis maintenant. Alors, grosse affaire, grosse affaire, grosse affaire. On part en pause musicale, on se retrouve tout de suite après. Shake comme ça, c'est fake mon gars. Quand tu nous dis sur ton démo, démo, suce ma bite, signé le Gémeaux, Timo, Big Ben et le reste du métro. On représente explicite, nous tester, évite ça. Ayons 3 de 20, on met le cap sur la victoire. Victoire, sans le drapeau blanc, c'est pas trop tard. Trop tard, les Gémeaux sonnent la charge sur ton territoire. Fourri, je te le pète en pleine face quand j'ai fini de boire. Du balafré, mais toujours pas ton Imantana. Des wagons, personne j'ai jamais vu ça. J'oublie ça avec un 3 points, fuck les joints de fil. Ayo Québec, go! J'allume le mic comme un spliff. Y'a quelque chose qu'il faudrait vraiment que je te dise. Bitch, bitch, mets ta bouche par où je pisse. Tu reconnais mon style, de quoi le mortel comme j'ai promis plus de trucs qu'un X-Fair. Je veux plus être mon mic, mon 40, mon blood pis mon crowd. J'aime toujours avec mes bandits, ma musique est loud. Bad bounce, avec la tactique toujours down. Pour une soirée d'alcoolique passée dans le downtown. Toujours live, quand je prends le mic, j'suis pas assez mite. Dans l'art de faire lever les foules pis rester tight. Je vive la crise d'octobre comme Pierre Falardo. Les mesures de guerre c'est sale en capitale à chaque show. Pas pour rien qu'en 99 y'a une émeute après le show. Puis que le lendemain on en parlait les journaux. C'est comme ça que j'chill, c'est comme ça que j'feel, c'est comme ça que j'chill. Avec mon folie, comme ça j'suis tranquille, j'ai pas de stress. Puis à partir de là j'm'en crise du reste. C'est comme ça que j'vis, puis ça se reflète dans mes textes. Mon mic c'est comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, j'ai pas, ça m'aide à oublier. Mon plan, puis j'ai le fume juste pour relaxer. Mon mic, mon folie, mon plan, mais c'est ça ma vie. Mon mic c'est comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, j'ai le bois, ça m'aide à oublier. Mon plan, puis j'ai le fume juste pour relaxer. Mon mic, mon folie, mon plan, mais c'est ça ma vie. La soirée sous mort, je ressuscite à chaque matin avec un gros joint. Juste question de faire le plein. J'aime le shit cristallisé, fumé aromatisé, attisé, au THC baptisé. Quand je rime mon mic, j'suis tout le temps blunté. J'suis aussi avec un ballon de foot qui se fait punter. J'suis réputé au black pot député. Ça fait longtemps que c'est légal dans mon comté. Avec BIC, pas question que tu gaspilles. On fume tout jusqu'à temps que le pot j'crie. Que ce soit de l'hydro, M39 ou double zéro. J'roule tout ce que j'ai dans un gros gringo. Amigo, viens avec moi fumer un Félix. Ou pour un verre de Bélis, un check-in des ladies. Puis quand les cops me suivent, j'allume les cerises. Je prends ces MCs comme des insectes sur mon parc. J'keep ma head up, j'suis fier de ce que je représente straight up. Même si j'passe pour un bum quand j'parle de rap et de blunt. On me dit que j'fais partie d'une génération perdue. Qu'est-ce que tu veux que ça me crisse à moi, le rap c'est ma seule issue. Mon folie, mon seul remède, t'appelles ça un problème. La solution faut que tu comprennes, ma vie c'est moi qui amène. Y'en a qui veulent me censurer parce que j'parle de drogue de bandit. Qu'est-ce que tu veux que j'te dise, man, c'est ça que j'vis. Puis c'est pareil pour mes chums, environ la moitié qu'on pourra appeler des travailleurs autonomes. Je fais pas dans le fake, pourquoi je te parlerai d'amour quand je sais que les haters me mordent comme des vautours. Je te parle de street life, de réalité, parce qu'il y en a pas mal comme moi qui ont la même mentalité. Puis je le sais que ça te fait chier quand tu me vois débarquer avec mon mic, mon folie et mon plan. Pour toi c'est danger. Mon mic c'est comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, je bois, ça m'aide à oublier. Mon plan, puis je le fume juste pour relaxer. Mon mic, mon folie et mon plan. Comme une arme, ça sert à me défouler. Mon folie, je bois, ça m'aide à oublier. Mon plan, puis je le fume juste pour relaxer. Mon mic, mon folie, mon plan, ma tête sur la vie. Alors, on poursuit. Vous êtes de retour à l'autre monde. François Marchand au micro. On apprend une nouvelle assez surprenante ici. On a trouvé dans l'Oregon un champignon monstre qui se trouve être le plus gros organisme vivant de la planète. Alors, ça, c'est assez incroyable. Ça a été découvert dans des forêts, dans une forêt américaine ancienne. Alors, une ancienne forêt. Et on a réellement là, trouvé de façon exhaustive, là, on a vraiment là, prouvé qu'on a un champignon qui est nommé le champignon miel, honey mushroom, qui a parti d'une simple spore, okay, qui ne peut même pas être vue par microscope, et puis qui s'est répandu à travers ces filaments noirs là, qui s'enlacent et qui grandissent, qu'on appelle des rhizomorphes. Et ce champignon s'est propagé à travers la forêt depuis environ 2400 ans, tuant toutes les arbres qui se trouvaient de son chemin. Et puis le champignon maintenant couvre environ 880 hectares. Okay? Ça se trouve être dans la forêt Malheur National Forest en Oregon. C'est assez spécial. Alors on dit que le champignon fait 5,6 km de diamètre. Alors, imaginez la grandeur de l'affaire. Ça couvre environ 1665 terrains de football mis ensemble. Alors, ça vous donne un peu une idée. Là. On a utilisé des photos aériennes de tous les arbres qui mouraient. Et puis, on a aussi collecté des échantillons de racines de différents endroits, et puis on a testé l'ADN pour vraiment s'assurer que c'était le même organisme, et puis il s'agit bel et bien du même organisme. Alors, une nouvelle assez surprenante. Un autre article ici assez fréquent, c'est une nouvelle qui nous vient de la BBC News d'Angleterre qui a montré qu'on a fait on a mis en place un nouveau satellite au-dessus de la planète, et puis on a mesuré pour la première fois ce qu'on appelle des freak waves, alors des vagues hallucinantes si on veut là. Des vagues dans l'océan qui depuis longtemps faisaient le récit de plusieurs rumeurs. On a souvent des bateaux, ce qu'on appelle des super cargos, qui disparaissent. On en a en fait 200 de ces super cargos qui sont disparus depuis les 20 dernières années. Et on dit que des fois, ils se perdent dans des tempêtes assez importantes dans l'océan et que ces vagues pourraient des fois faire au-dessus de 25 mètres de haut. Sauf que ça restait un peu un certain mythe. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a un nouveau projet qui s'appelle MaxWave, qui part d'un satellite de deux satellites en fait qui mesurent les océans, qui surveillent les océans. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a bel et bien mesuré quelques-unes de ces vagues. Alors durant une période de 3 semaines, on a détecté 10 de ces super vagues qui faisaient au-dessus de 25 mètres de haut dans l'océan. Donc assez incroyable de voir ça aussi, des choses qu'on apprend encore sur notre bonne vieille planète. On a aussi un autre article qui parle des évidences qu'on n'habite pas dans un univers, mais dans un multivers. C'est-à-dire qu'on est en train de prouver, dans un certain sens, que notre univers pourrait être parti de différentes dimensions, si on veut, différents univers. Sauf que ça pourrait aussi prouver une autre affaire, c'est que le Big Bang est juste une religion déguisée en science, et puis qu'il n'y a pas réellement de frontière à l'univers, parce qu'on pensait qu'il y avait une certaine frontière à l'univers, mais que finalement, on est en train de se rendre compte qu'il n'y en a pas nécessairement. Alors, il se pourrait que Là, on dit que là, à la frontière de notre univers, peut-être qu'il y en a un autre. Sauf que aussi, on pourrait peut-être comprendre que tout simplement, il n'y en a pas un autre, que c'est un méga univers et puis qu'il n'y a jamais eu de Big Bang en tant que tel, qu'on a mal compris ce qui se passe. Alors, on a plusieurs évidences qui nous montrent que, en réalité, c'est ça qui se passe, c'est que le Big Bang, c'est un autre mythe qui n'est pas réellement soutenu par la science. Et puis, plus ça avance, plus on a un problème à expliquer le Big Bang, qui est en réalité bel et bien une théorie, OK? Ça n'a jamais été vraiment établi comme étant une science exacte, là, OK? Ça reste au niveau des théories, là. Donc, par rapport à ça aussi, on est en train de tester un peu ce modèle-là et puis les particules primaires qui seraient nées suite au Big Bang. Et puis, on va essayer d'en trouver plus sur ces composantes de la matière de base qu'on appelle des bosons de Higgs. On a remis en fonction le 30 mars qui vient juste de passer. Alors, il y a 2 jours, on a tenté la collision frontale de protons pour la première fois dans le CERN. Alors, c'est les équipes du Centre européen de recherche nucléaire, le CERN, qui ont commencé à tenter cette semaine de procéder à des collisions de protons à un niveau d'énergie sans précédent dans le grand collisionneur de Hadron, ce qu'on appelle le LHC, près de Genève, espérant ainsi mieux comprendre les secrets de l'univers. Alors, on envoie des protons comme ça à très, très haute vitesse et puis on va essayer d'opérer leur collision. Et puis essayer de comprendre ce qui se passe après ça avec ces particules de base qu'on présume l'existence selon les calculs mathématiques, mais qu'on aimerait vérifier réellement. Donc, il y en a qui ont bien peur de ça, savoir qu'est-ce qui va arriver. On pourrait peut-être créer des petits mini-trous noirs selon certaines personnes, sauf que ça reste à voir, mais c'est toute une histoire, là. C'est toute une histoire à surveiller. Ça se passe dans un anneau de 27 km d'une circonférence. De circonférence à 100 mètres sous terre près de Genève, à cheval sur la frontière franco-suisse, qui est destinée à étudier les plus petites particules connues grâce à des quantités énormes d'énergie et des collisions de protons, de particules constitutives de noyaux des atomes. Alors, une nouvelle ici à aller voir par rapport à ça, assez intéressante. Il y a la NASA aussi qui est en train de chercher pour ce qu'on appelle le frère du Soleil, alors Némésis, qui serait un Soleil qui ne brûlerait pas, qui ne serait pas consommé, alors une étoile invisible qui pourrait orbiter le Soleil et puis qui pourrait bombarder la Terre avec des comètes meurtrières qui ont été précisées par les scientifiques de la NASA. Alors, on parle d'une étoile naine brune, une nouvelle. Donc, c'est une étoile qui ne s'est pas combustée, qui n'a pas entamé sa réaction nucléaire comme le Soleil le fait, mais qui serait quand même 5 fois plus grosse que Jupiter et qui pourrait être responsable de l'extinction des masses qui a eu lieu il y a plusieurs millions d'années sur Terre. L'étoile serait surnommée Némésis par les scientifiques de la NASA et puis serait invisible parce qu'elle n'émet que dans l'infrarouge et est extrêmement distante. On croit qu'un Némésis orbite le système solaire à 25 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Sur son chemin dans la galaxie, sa gravitation attire des corps de glace venant d'un nuage d'Oort. C'est une vaste région remplie de rocs et de poussière qui se trouve aussi loin que Némésis. Alors, on dit que ces balles de neige, entre parenthèses, sont lancées en direction de la Terre en tant que comète, causant des dévastations similaires à l'astéroïde qui a exterminé les dinosaures il y a 65 millions d'années. En ce moment, la NASA croit être capable de localiser Némésis en utilisant depuis janvier un nouveau télescope qui détecte la chaleur dans l'espace. Alors, il s'appelle le Wide Field Infrared Survey Explorer, duquel on prévoit la découverte d'un millier de naines brunes dans les 25 années-lumière environnantes et a déjà retourné la photo d'une comète possiblement extraite du nuage d'Oort. Ça, c'est assez spécial aussi. Là, on en parlait dans des différentes légendes et trucs comme ça. Et puis là, vous avez la NASA qui se penche directement sur ce cas-là. On va se tourner maintenant vers le cas de la Géorgie, dans le coin de la Russie, où on eut, vous avez une vidéo, allez voir là-dessus, là, une affaire incroyable, là, je veux dire, ça me fait penser à la fausse annonce d'extraterrestres qui était censée arriver, là, ça s'était passé, je crois, à New York, là, il y a plusieurs années, là, plusieurs décennies, où on avait fait un genre de test comme ça, en réalité, où on avait dit que c'était une erreur, mais après ça, on s'était rendu compte que c'était un genre d'opération psychologique, voir comment les gens réagiraient. On avait annoncé une invasion d'extraterrestres, puis les gens avaient complètement capoté, là, et puis ça avait été assez spécial à voir, là, je veux dire. Et puis là, on a eu après la même affaire qui s'est passée en Géorgie. On a annoncé sur les ondes d'une station de radio, si je me rappelle bien, peut-être à la télévision, il me semble que c'était à la radio. En tout cas, allez voir ça, c'est un des médias, là. Et puis ce qui est arrivé, c'est qu'on a annoncé dans la ville comme ça que les Russes débarquaient et puis étaient en train d'envahir la ville. Alors, pas besoin de vous dire que ça a créé une panique incroyable dans la ville. Et puis, quand les gens se sont aperçus que c'était pas vrai, ben évidemment qu'il y a eu beaucoup de protestations. Écoutez, les gens ont été complètement révoltés, là. Créer des climats de peur comme ça dans la ville. Alors, est-ce qu'on est en train de tester de quoi? À vous de juger. Mais vous savez qu'il y a pas mal d'opérations qui se passent autour de la Russie. Alors, en train de préparer de quoi, hein? Vous avez un sondage ici qui a été rapporté par Press TV qui montre que 73% des Russes voient les États-Unis comme un agresseur, d'ailleurs. Alors, le trois quarts des Russes qui voient les Américains comme des agresseurs, qui veulent la domination mondiale. Alors, c'est quand même important là, de voir aussi la perception des Américains à l'étranger. Dans le dossier des tremblements de terre, ça continue de brasser aussi. Écoutez, ça continue de bouger au Chili. Vous avez eu différents tremblements de terre qui ont continué à se passer là-bas. D'ailleurs, si vous vous rappelez, le terrible tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques semaines au Chili a déplacé la ville au complet de 3 mètres vers l'ouest. Alors, énorme tremblement de terre qui avait frappé le Chili au point tel que vous avez là, des régions géographiques qui bougent carrément là, de quelques mètres. On a différentes données ici qui montrent qu'on pourrait avoir un très gros tremblement de terre proche de Seattle aussi. On a différents bidules GPS, sismographes, qui ont été utilisés par les scientifiques et puis qui ont été capables de mesurer plusieurs petits mouvements dans la croûte terrestre le long de deux plaques tectoniques qui se joignent dans ce coin-là, dans l'État du Washington. On a trouvé différentes données qui permettraient de croire qu'on serait sur le bord de vivre un méga tremblement de terre qui pourrait frapper dans le coin de Seattle ou Tacoma. Il y a un autre tremblement de terre de 6.4 dans le coin des îles Andaman. Ça, c'est dans la région de l'Inde. Ensuite, on a eu un autre tremblement de terre de 6.8 dans les îles de Sumatra, dans le coin de l'Indonésie. On a eu des tremblements de terre, comme je disais, de plus de 6.0 au Chili. On a aussi eu des tremblements de terre au Japon, 6.6. Et un autre ici, on parle de 7.0 qui a frappé l'Indonésie. Donc, voyez là que la grosse plaque tectonique du Pacifique est en train de se réajuster, puis toutes les frontières de cette plaque-là sont en mouvement. Ça aussi, c'est de quoi là, avoir en tête. Donc, c'est les tremblements de terre qui vont être à surveiller cette année. Et puis, on apprend aussi dans un autre article du National Geographic que le pôle magnétique nord bouge avec les différents flux et reflux qui se trouvent au centre de la planète. Alors, on a trouvé que le pôle magnétique de la planète dans le pôle nord et se déplaçait rapidement vers la Russie environ à la vitesse de 64 km par année à cause des changements magnétiques dans le cœur de la planète. Alors ça, c'est assez incroyable, des nouvelles analyses là, bien surprenantes qui suggèrent que on a un changement magnétique à la surface du noyau de la planète qui est en train de créer un genre de... Si vous voulez, le genre de fumée, entre parenthèses, mystérieuse, magnétique. C'est pas une vraie fumée, une fumée. Imaginez une fumée magnétique là, qui monte des couches les plus profondes du noyau de la planète vers l'extérieur. Et puis que, en réalité, cette région-là pourrait être en train d'attirer le pôle magnétique et puis le faire bouger de sa position qui a été longtemps dans le nord du Canada. On explique dans l'article que le pôle magnétique nord a bougé un petit peu depuis que les scientifiques l'ont localisé en premier en 1831, mais qu'après en 1964, le pôle commençait à bouger tranquillement vers le nord-ouest à une vitesse d'environ 15 km par année, mais que depuis 1989, le truc a commencé à s'accélérer, et puis en 2007, les scientifiques ont confirmé que le pôle se déplaçait maintenant en galopant vers la Sibérie d'environ de 55 à 60 km par année. On dit qu'un rapide changement du pôle magnétique voudrait dire que les cartes qui sont basées sur l'orientation magnétique devraient être mises à jour beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent, pour être fidèles et puis faire en sorte que les compas magnétiques puissent être utilisables. Dans un autre article, on a le Pentagone qui a un budget qui est complètement hors de contrôle. Monsieur Obama qui est en train de continuer de donner de l'inflation, d'enfler le budget du Pentagone. qui ne cesse d'augmenter. Et puis là, on va avoir un budget du Pentagone qui va totaliser 7,2 trillions de dollars depuis 1998. Alors imaginez la quantité d'argent en un petit peu plus de 12 ans qui a été donné au Pentagone, 7,2 trillions de dollars. C'est évidemment de l'argent qui n'a pas été utilisé pour le peuple américain ou pour aucune autre initiative, hein. Donc, l'argent pour la guerre, c'est important, c'est important. Ça donne aussi une idée sur le fait que les États-Unis ne sont pas en train de préparer la paix, mais sont vraiment sur un pied de guerre, et puis que possiblement une troisième guerre mondiale est en train de se préparer. Puis cette fois-ci, désolé, mais les Américains vont être les mauvais garçons. Dans un autre article assez intéressant ici, qui vient du passé, mais qui est bon de rappeler, c'est que les États-Unis ont déployé dans le passé plus de 12 000 bombes atomiques dans plus de deux douzaines de nations différentes. Alors, ça vous montre aussi un peu à quel point les États-Unis vraiment ont le pied partout dans le monde, avec au-dessus de 700 bases américaines réparties à travers la planète. On n'a plus autant de bombes nucléaires déployées dans le monde, mais ça vous montre à quel point que les États-Unis quand même ont eu et ont encore des vues assez importantes là, sur la façon qu'elle se perçoit comme gérant de la planète, OK, et puis est prête à asseoir son hégémonie même sur des bombes nucléaires. Alors, les États-Unis ont déjà déployé dans le passé plus de 12 000 bombes atomiques dans plus de 24 nations, dont le Maroc, le Japon, l'Islande, Puerto Rico, même à Cuba. Donc, c'est des documents secrets qui ont été écrits par le département de défense et ont été relâchés, ont été publiés dernièrement. On a appris aussi là-dedans que les États-Unis avaient déployé et puis développé plus de 38 types différents de bombes nucléaires. Et puis après ça, ben, je vous parle un peu de ça parce que on voit la dichotomie là-dedans, je veux dire l'hypocrisie totale, parce que là, après ça, les États-Unis sont prêts à se plaindre. Hein, qu'apparemment l'Iran chercherait à se construire une bombe nucléaire avec sa centrale de production d'électricité. On pointe du doigt les autres pays qui cherchent à avoir des bombes nucléaires, alors que ceux autres qui en ont eu partout à travers la planète, qui ont développé des milliers et qui sont le seul pays à l'avoir utilisé. Alors, au niveau là, des doubles standards, là, on ne peut pas faire mieux. Vous avez un gros dossier aussi sur l'histoire du Mossad israélien qui avait exécuté de façon assez spectaculaire une des hautes têtes du Hamas. Alors, vous rappelez de cette histoire à Dubaï. Alors, il y a d'autres révélations qui sont sorties. Ici, on a un tabloïd anglais qui a mis à jour le fait qu'Israël a fabriqué des milliers de fausses identités. Alors, ça, c'est pas de quoi qui est anodin non plus. Alors, c'est de quoi qui est fait de façon routinière et systématique. On copie des passeports, ici dans ce cas-ci, c'est britannique, qui volent vers l'Israël. D'ailleurs, même l'Angleterre a émis un avertissement à tous ses citoyens qui volent vers l'Israël de ne jamais laisser leur passeport sans surveillance et puis de le laisser voir qu'en extrême nécessité, OK? Alors, on s'aperçoit que on arrive là-bas et puis zap, on se fait voler notre passeport ou notre identité, on se la fait copier, puis après ça, on fabrique des fausses identités à partir de ça. Oui, ça a servi dans cet attentat, dans cet assassinat-exécution spectaculaire, réellement, là, une exécution extrajudiciaire dans un autre pays d'un membre du Hamas par les services secrets du Mossad israélien. On apprend dans une autre nouvelle ici que l'identification des agents qui ont tué cette personne du Hamas a beaucoup gêné le Mossad. Alors, c'est très embarrassant, évidemment, de se faire découvrir comme ça. Alors, une nouvelle à aller voir. On a aussi plusieurs détails qui sont en train d'émerger sur l'assassinat de ce leader du Hamas à Dubaï. OK, donc on apprend toutes sortes de nouvelles. On a vraiment confirmé que c'était le Mossad qui était derrière ça. Alors, vous qu'on parle d'Al-Qaïda, les terroristes, hein? Vous voyez, c'est qui réellement les vrais terroristes? Ensuite, on a aussi déterminé que c'est un genre de médecine létale, vraiment mortelle, qui a tué le Hamas. Alors, on l'a étouffé, puis on y a injecté de quoi de mortel dans le corps. Vous savez, les Israéliens aussi qui ne sont plus permis à Dubaï depuis cet assassinat. Alors, vous voyez que Dubaï a fermé ses portes aux voyageurs israéliens. Là, Israël qui va crier, puis qui a déjà crié à l'antisémitisme. Hein? Donc, on accuse Dubaï et puis la police de Dubaï d'être des antisémites. Alors, ça a même été rapporté par le LA Times, le Los Angeles Times. Alors, c'est ça. Donc, Israël se permet de faire du profilage racial, d'avoir une sorte de plaque d'immatriculation pour faire la différence entre les Palestiniens et les Israéliens, une couleur de permis de conduire pour les Arabes, une autre pour les Israéliens juifs, des centaines de checkpoints, assassiner un Hamas. Mais ça, c'est correct. Hein? Donc, on pourrait dire l'anti-non-sémite d'Israël est assez consternant. Donc, deux poids, deux mesures encore une fois ici. Vous avez la police de Dubaï aussi qui cherche à vouloir faire arrêter Benjamin Netanyahu pour ces attaques-là, qui seraient impliquées aussi dans cette histoire. Puis, si vous êtes surpris et puis vous pensez que les agents du Mossad ne font pas souvent d'opérations comme ça, d'assassinat à l'extérieur du pays, écoutez, là, même assassinat, c'est quoi? C'est des meurtres extrajudiciaires là, dont on parle ici. Là. On parle de meurtre, OK? Donc, on va tuer des personnes à l'extérieur, toutes sortes de personnes. Et puis, vous avez une liste ici assez incroyable. Là. Écoutez, Well Adel Zouater qui a été tué à Rome en octobre 1972. Vous avez Hussein Ali Aboual Khmer qui a été assassiné au Cyprus le 6 avril 1973. Vous avez Bassel Rauf El-Kaïs qui a été assassiné à Paris le 6 avril 1973. Vous avez Ibrahim Abdelaziz qui a été assassiné à Paris aussi, à Londres. Vous avez des gens qui ont été tués en France, à Rome, ici, à Bruxelles, en Allemagne. Vous en avez un autre à Rome ici. Vous avez un autre à Athènes. Alors, allez voir la liste. Là. Vous allez voir que c'est une procédure normale pour les services secrets d'assassiner des personnes à l'étranger comme ça. Alors, voyez vraiment, quand on parle d'Al-Qaïda, peut-être qu'on n'aurait pas la bonne place pour vraiment trouver les vrais terroristes. Hein? On a une autre nouvelle ici qui rapporte que le Knesset, qui se trouve à être, si vous voulez, le Parlement israélien, et en ce moment, les gens en ce moment qui animent le Knesset en Israël est probablement le plus raciste de tous les temps. Alors, ça, c'est un rapport annuel du Moussawa Center. Qui rapporte sur le racisme et qui a publié ces données-là dernièrement. Alors, on révèle qu'il y a une augmentation de 75% des lois ou des projets de loi qui sont discriminatoires et racistes qui ont été soumis juste l'année passée au Knesset. Alors, un système hautement raciste et d'apartheid, okay, qui sépare et puis qui maltraite les Palestiniens, qui ont été décrits par l'ancien président Jimmy Carter dans son book « Peace and Not Apartheid ». Écoutez, là, c'est une réalité. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là? Est-ce que ça veut dire que tous les Juifs sont mauvais? Ben non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les gens qui sont en contrôle, l'élite, bien souvent l'élite sioniste, est hautement raciste. Et puis, il y a un grave problème. Okay? Vous avez des avions d'espionnage israéliens qui ont volé au-dessus de Budapest. Imaginez, des avions militaires qui ont volé au-dessus de l'espace aérien, dans l'espace aérien de Budapest. Alors, on viole l'espace aérien du Liban, après ça de la Hongrie, et puis vous voyez les provocations qui se poursuivent partout à travers, les pays qui avoisinent l'Israël, je veux dire, vraiment incroyable. Netanyahou qui a demandé à Obama de fournir des bunker busters pour bombarder l'Iran. Alors, aussi ça se poursuit. Paul Craig Roberts, qui écrit un excellent article, vous avez une vidéo, vous allez consulter, qui montre que les États-Unis sont en train de pousser pour une guerre nucléaire, qui est vraiment une trahison pour, évidemment, contre les Américains. Alors, M. Paul Craig Roberts, qui traite les gens de Washington de morons, sont en train de pousser pour une guerre nucléaire, et puis que c'est une affaire complètement folle pour l'hégémonie américaine qui carrément menace la vie sur Terre. Là, je veux dire, Paul Craig Roberts, qui est loin d'être un sans-dessin, quelqu'un qui travaille dans les plus hauts échelons du gouvernement américain, ancien conseiller de Reagan et puis toute la quête. Là, écoutez, ancien assistant secrétaire au Trésor et puis travaillé comme éditeur associé au Wall Street Journal. Regardez ce qui se passe là, quand on parle de Troisième Guerre mondiale, là, c'est pas des farces, là, je veux dire, des affaires qui se passent là. Vous savez, Bill Moyers qui parle des commandos israéliens sur le sol américain durant Katrina. Alors, un document audio à aller chercher Bill Moyers, qui est un journaliste très réputé aux États-Unis. On parle ici là, de commandos israéliens qui ont été déployés sur le sol américain durant Katrina. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient là? Maudite bonne question. Un autre article absolument hallucinant ici qui parle d'Israël qui pointe ses têtes nucléaires contre l'Europe. Un article qui a été publié le 12 mars 2010. Et puis, c'est la 7e chaîne israélienne qui a diffusé un entretien exceptionnel avec le professeur Martin Van Krevel, spécialiste mondial de référence des guerres de basse intensité. Puis le professeur émérite de l'Université hébraïque de Jérusalem, il a développé publiquement les propos qu'il tient depuis une dizaine d'années dans les cénacles fermés des académies militaires israéliennes et états-uniennes. Selon lui, la continuation sur une longue période de la guérilla palestine aboutira inévitablement à l'effondrement de l'État d'Israël. C'est pourquoi, à court terme, Tel Aviv n'a d'autre choix, dit-il, que de transférer les Arabes israéliens et les Palestiniens hors des frontières sûres. Alors, c'est-à-dire non seulement hors des frontières de 1948, mais aussi des territoires occupés depuis 1967 et idéalement de Cisjordanie puis de la bande de Gaza. Et puis là, c'est un fantastique monsieur-là, avec un grand cœur, un grand humaniste, il dit que dans le cas où les Européens s'opposeraient à une telle déportation, Tel Aviv, ça c'est une citation là, OK? Tel Aviv n'aura d'autre choix pour survivre que de détruire les capitales européennes sous le feu atomique, étant entendu que les Européens ne pourront pas riposter sans tuer leur ami palestinien. Wow! Alors, ce gars-là, c'est un auteur d'un livre qui s'appelle « The Transformation War », qui insistait en soulignant que d'ores et déjà, les têtes nucléaires israéliennes sont pointées vers Rome et d'autres capitales européennes pour rendre la menace crédible et le transfert des Palestiniens possible. Le professeur Martin Van Krevel aime à se référer à la devise du général Moshe Dayan, dont il est le biographe officiel, et je cite, « Israël doit toujours apparaître comme un chien enragé trop dangereux pour les autres ». Alors, allez voir ça, cet article-là, complètement capoté, je veux dire, là... Ben oui, mais c'est l'Iran qui est dangereux. C'est l'Iran qui est dangereux. Un autre article ici qui vient du Haaretz.com qui montre qu'un. En fait, c'est un journaliste qui est passé aux aveux, un journaliste danois assez respecté qui a admis qu'il était dans le passé un agent du Mossad. Alors, vous voyez comment le Mossad retrouve ses tentacules un peu partout, même dans les médias, se déguise en journaliste, et puis après ça, on se demande pourquoi on a des articles qui sont pro-Israël comme ça, pro-guerre, pro-attaquer l'Iran, pro-attaquer tous les ennemis d'Israël. Vous avez ici un autre fondateur du Hamas, qui, si vous connaissez bien le Hamas, a été créé finalement par le Shin Bet, donc israélien, pour créer des factions pour que les Palestiniens s'entretuent eux-mêmes. Et puis, un des fondateurs du Hamas a un fils qui a déjà été un espion israélien. Alors, c'est un autre rapport qui vient tout documenter ces trucs-là. Alors, c'est le dernier aspect d'une vieille histoire, le Hamas qui a été créé par le Shin Bet, comme je disais, pour contrer l'OLP de Yasser Arafat, pour empêcher la Palestine de se réunir sous un seul gouvernement. Alors, il faut se rappeler que tant qu'il y avait un OLP et puis le Hamas, Israël pouvait ignorer les demandes pour des pourparlers de paix en haussant les épaules, en disant qu'il ne savait pas à qui parler. Et bien sûr, la violence causée au tout début du Hamas a seulement contribué à la guerre de PR, de relations publiques d'Israël contre la Palestine. Puis Arafat a été assassiné, Israël, en répétant la même erreur faite par les États-Unis avec les Moudjahidines en Afghanistan après l'URSS, a coupé tout soutien. Le Hamas, plutôt que de se laisser disparaître tout simplement, a décidé qu'ils étaient en fait aujourd'hui le gouvernement de la Palestine occupée, entre parenthèses, et a commencé à agir comme tel. En réalité, ils furent plus tard élus même démocratiquement par les Palestiniens. En réponse, Israël a de nouveau mis en place un groupe d'opposition de marionnettes, celui de M. Abbas et puis de l'autorité palestinienne, pour continuer à jouer le même jeu de diviser et conquérir le peuple palestinien. Alors, des petites données à avoir en tête comme ça, pour bien décoder l'information. Donc, c'est à peu près ça pour cette semaine. Là, allez continuer de lire les différentes nouvelles. Il y a eu la semaine de l'apartheid, donc je vous ai laissé les nouvelles là-dessus pour aller voir ça. Donc, on a beaucoup manifesté là, de la part là, des groupes juifs contre ça, en disant que c'est antisémitique, que c'est pas correct, que c'est anti-Israël. On a déclaré que la semaine anti-apartheid était extrême. Alors, on se demande si on appelle ça extrême, si c'était la même affaire quand on disait que l'Afrique du Sud, elle aussi, était sous l'état d'apartheid. Alors, est-ce que c'était extrême dans ce cas-là? Alors, voyez, tout encore les deux poids, deux mesures. Alors, quand l'état d'apartheid en Afrique du Sud, qui était d'ailleurs, en parenthèse, soutenu par Israël aussi, ça, c'était pas extrême, mais quand on parle de l'apartheid israélien, là, ça, non, là, c'est antisémite et puis extrême. Ben ouais. Alors, on parle même ici, dans un article du Toronto Sun, que l'apartheid est un mot vraiment laid, un mot qui devrait ne pas être utilisé même par les gens du gouvernement. Alors, on est en train de bannir le mot apartheid, comme quoi que c'était un mot pas beau. Alors, c'est pas beau. Alors, c'est comme... Le nouvel langage là, dans les livres de George Orwell. Là, alors, on va éliminer les mots qu'on n'aime pas. Alors, c'est pas bon. Ça vous fait penser à des affaires. Là, et puis, l'apartheid, là, écoutez, on va faire disparaître. Là, ça, c'est pas beau, ça. Hein? Alors, voilà, un paquet de nouvelles là, ici. Là, les Allemands, les Britanniques qui ont expulsé un diplomate israélien parce qu'il y avait des faux passeports qui étaient en jeu là-dedans. Ça a été écrit par le New York Times. Et puis après ça, le politicien israélien a comparé les Britanniques de chiens, carrément, là. Alors, pour s'être fait expulser du pays. Vous voyez, là, en Grande-Bretagne, là, l'histoire du Mossad, là, qui a tué le Palestinien à Dubaï, là, fait beaucoup de vagues. Alors, on a expulsé ce politicien israélien-là. Et puis là, lui, il est sorti en traitant les Britanniques de chiens dans les médias. Alors, ça, c'est Eldad Ben Ari qui a traité les Britanniques de chiens. Et puis voilà. Donc, ça va être tout pour cette semaine. On va se laisser là-dessus. On a couvert pas mal de terrain. La semaine prochaine, on va terminer avec quelques petites nouvelles de la santé. On va faire un peu d'économie. Moyen-Orient, puis on va faire un bon détour sur l'état policier. Donc, ça devrait être une bonne semaine chargée aussi la semaine prochaine. Alors, retrouvez-nous en santé et heureux dans une semaine. Portez-vous bien. C'était François Marginal pour L'Autre Monde. Bye-bye.